Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles et dans le cadre de notre série intitulée « Quitter le pouvoir », premier épisode, la fin de règne du général de Gaulle. C'est le militaire, le combattant, l'homme de l'appel du 18 juin 40, évidemment. Puis c'est le politique, d'abord à la tête du gouvernement provisoire de la France de mai 44 à août 46. Puis c'est la traversée du désert, long comme un jour sans fin, dans le calme un peu déprimant de la Boisserie, sa maison de Colombey, les deux églises, jusqu'à l'année 58 qui marque son retour. Et quel retour ! Une rupture majeure qui nous fait passer de la République parlementaire de la 4e au régime présidentiel de la 5e. Un président élu au suffrage universel qui en fait presque un roi thaumaturge, costume qui va si bien au général et que tous ses successeurs enfileront avec délectation. Puis vient 68, qui n'a pas compris, qui l'a dépassé et qui s'est soldé par son départ un an après. Le général avait perdu la main, il avait perdu la France pour le rayonnement de laquelle il avait tant œuvré, mais il n'avait pas perdu les Français, qui l'entretiendront longtemps et jusqu'à aujourd'hui dans l'image de la figure tutélaire de ce pays. Notre invité aujourd'hui, Arnaud Tessier, historien, auteur du livre intitulé « De Gaulle 1969, l'autre révolution ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Lundi 19 novembre 1970, 19h. J'ai mal là dans le dos, murmure le général de Gaulle, avant de s'effondrer dans sa demeure de Colombey, les deux églises, terrassée par un anévrisme de l'abdomen. Mort, à quelques jours de ses 80 ans. Avec son épouse Yvonne, l'homme du 18 juin vit retiré à la Boisserie depuis qu'il a démissionné 18 mois plus tôt de la présidence de la République. C'est une journée ordinaire et pluvieuse d'automne dans la résidence acquise en 1934 par le couple. Le chef de la France libre travaille à la rédaction du tome 2 de ses Mémoires d'espoir, déjeune avec sa femme, se promène entre deux averses dans le jardin et écrit à quelques compagnons de route et à son fils Philippe. Il s'assoit à sa table de bridge où chaque soir, avant le journal télévisé et le dîner, il s'adonne à ce qu'il appelle sa discipline d'oisiveté, une réussite. Et c'est là qu'il s'affaisse dans son fauteuil, sous les yeux d'Yvonne, en train d'écrire à son secrétaire. À 9h41 le lendemain, un flash de AFP rend public la mort du général. Onze ans avant, 11 janvier 1968. Tandis que se multiplient les grèves ouvrières, l'université de Nanterre connaît une poussée de fièvre, première étape d'un mouvement étudiant qui va faire tache d'huile dans le tout Paris 3 mois plus tard. Pendant que les manifestations se soldent systématiquement par des centaines de blessés, les services publics sont paralysés par la grève générale. Le 13 mai, 300 000 manifestants défilent au cri de « 10 ans, ça suffit ». De Gaulle, lui, se rend en voyage officiel en Roumanie, chez l'ami Ceausescu, avec qui la France entretient des relations privilégiées, ce qui lui est beaucoup reproché. À ceci près que ce n'est pas sa proximité avec le foot de Bucarest qui pose problème. Les Français s'en fichent complètement. Non, c'est le fait qu'il ait donné l'impression de déserter. Ce dont il tient à s'expliquer. En partant pour la Roumanie, je ne renonçais pas à mes fonctions, je les exerçais. Il y avait là un voyage très important pour le développement des rapports entre l'Est de l'Europe et l'Ouest, c'est-à-dire pour la paix du monde. Et j'ai balancé dans mon esprit s'il fallait, ex abrupto, du jour au lendemain, renoncer à m'y rendre. Alors qu'en France, la situation était encore pour moi insaisissable. De retour de Roumanie, le général dénonce le 18 mai ce qu'il appelle la chienlit et déclare que la réaction est finie. Mais le régime est ébranlé. Le 25, sous la présidence du Premier ministre Georges Pompidou, s'ouvre au ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle, des négociations avec les syndicats qui obtiennent que le SMIG, l'ancêtre du SMIC, soit augmenté de 35%. Pourtant, les syndicats ne peuvent garantir la reprise du travail. Et on sent le général bousculé par les événements, à tel point que certains pensent qu'il va se retirer. « François Mitterrand, devenu depuis 3 ans le principal opposant en général, depuis qu'il lui a infligé le camouflet d'un 2e tour à la présidentielle de 65, en profite pour mettre un pied dans la porte. En France, depuis le 3 mai 1968, il n'y a plus d'État. Et ce qui en tient lieu ne dispose même pas des apparences du pouvoir. Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. Et qui sera président de la République ? Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, je suis candidat. Et pendant que François Mitterrand confond vitesse et précipitation, des unités de l'armée se tiennent aux portes de Paris. C'est ce moment que choisit le général pour rendre une visite mystérieuse à Baden-Baden au général Massu, ce militaire qui avait fait partie des putschistes d'Alger en mai 58, un ancien pro-Algérie française donc. Massu assure de Gaulle du soutien fidèle de l'armée française. Rentré à la boisserie, visiblement soulagé, le président lance dès le 30 mai un message à la radio. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Dans la soirée, 500 000 manifestants défilent de la place de la Concorde jusqu'à l'Étoile au cri de Gaulle n'est pas seul. La porte s'est refermée sur le pied de Mitterrand, elle ne s'ouvrira qu'en mai 81. En tout cas, un homme parle et la comédie est finie, résume Raymond Aron tout en pamoison, après le discours du 30 mai 68, où de Gaulle met fin à la révolte en un instant et entend bien faire cesser les échos. Non, sire, ce n'était pas une révolution, rien qu'une révolte, qui a quand même déboutonné la société française pour longtemps, mais pas pour toujours, la preuve aujourd'hui. Majorité massive pour l'UDR, 297 UD 5e et 58 républicains indépendants. À gauche, 57 fédérés et 33 communistes. Les élections des 23 et 30 juin 68, en tout cas, pulvérisent l'opposition et apportent au pouvoir une majorité écrasante. Les syndicats ont obtenu ce qu'ils voulaient pour les ouvriers et ont quitté le navire de la révolte. Et puis les Français en avaient marre de chercher de l'essence. De Gaulle remet sa mise, la gauche est éreintée. Et bien sûr, le président se félicite du résultat de ces élections. La nation française s'est ressaisie. Le 30 mai, elle a, d'un seul coup, montré massivement qu'elle répondait à l'appel du chef de l'État. Après quoi, par les élections, elle a prouvé d'une manière éclatante sa volonté de voir assurer l'ordre, maintenir les institutions et poursuivre la marche vers le progrès. En ce début d'été 68, le général a encore 4 ans de règne devant lui. Mais il est déjà flanqué d'un dauphin non officiel. Son premier ministre, Georges Pompidou, qui a mené la majorité vers la victoire aux élections de juin. De Gaulle, pourtant, ne va pas le reconduire dans ses fonctions. Non, il lui préfère Maurice Coupe de Murville, un personnage falot qui ne risque pas de le contredire. Parce que quelque chose s'est brisé entre De Gaulle et Pompidou, notamment depuis l'escapade à Baden-Baden, durant laquelle le premier ministre s'est retrouvé seul, seul à gérer un pays en proie au désordre. Une fois la crise passée, le courant ne se rétablit pas entre les deux hommes. Un malaise qui s'explique sans doute par la montée en puissance de Pompidou dans l'appareil gaulliste. Une irrésistible ascension qui fait de l'ombre au général. Pourtant, le nouveau gouvernement ressemble étrangement au précédent. À un détail près, notable, la nomination à l'éducation nationale d'Edgar Faure, politicien turbulent qui vient du radicalisme. Ayant hérité du portefeuille le plus difficile de moment, il semble avoir été désigné pour son côté imaginatif et réformateur. Edgar Faure fait voter par un parlement unanime, le 13 novembre, la loi d'orientation universitaire qui bouleverse les structures de l'université traditionnelle en accordant aux étudiants la participation à la gestion et aux décisions. Elle met la France, en ce domaine, à l'avant-garde des pays modernes. Une ouverture légère mais sans ambiguïté aux gaullistes de gauche, un premier ministre hautement compétent mais voué à n'être que le bras armé docile de l'Élysée, son bouclier même, tout indique une reprise en main plus directe de la politique intérieure par le chef de l'État. Quant à la politique extérieure, elle reste plus que jamais sa chasse gardée. Ainsi, l'ouverture à l'Est se poursuit, comme en témoigne le profil bas adopté par la France lorsque l'armée rouge occupe la Tchécoslovaquie et écrase le printemps de Prague. Et concernant l'opposition entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest, De Gaulle entend toujours jouer les médiateurs. À cet égard, l'élection à la Maison-Blanche de Richard Nixon, qui s'est promis de mettre fin à la guerre du Vietnam, est de bon augure. Par ailleurs, De Gaulle maintient son opposition déterminée à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Enfin, sur le conflit proche-oriental, il persiste à critiquer les positions d'Israël, provoquant la colère d'une partie de la presse française. Sur le plan économique, il prend clairement position contre la dévaluation du franc au moment de la grave crise financière que traverse le pays à l'automne 68, après les événements de mai. Il fait le choix d'une politique de rigueur. Et il s'enorgueillit du fait que la situation des Français s'est améliorée depuis son arrivée au pouvoir. À mesure que monte le niveau de notre prospérité, nous faisons en sorte que s'élève le pouvoir d'achat des Français, qui s'est accru en moyenne en 8 ans de 30%. Et nous tâchons que s'améliore les conditions générales de leur vie, la sécurité sociale, l'aide familiale, l'instruction, l'équipement dans son ensemble, les retraites, la santé, etc., toutes choses dont le coût s'est accru en 8 ans de 65%. Mais l'obsession du général, comme toujours, ce sont les institutions, les conditions de l'efficacité du pouvoir. Pour autant, il a des doutes, et il s'en ouvre à l'imperfite, l'ex-ministre de l'Éducation nationale. Le sens de l'État, personne en France ne l'a. Moi, je l'ai. Enfin, de temps en temps, dit-il. En fait, ce qu'il dit entre les lignes est clair. Il a été fortement secoué par le mouvement de mai 68. Alors il cherche comment reprendre la main, mais il est susceptible de commettre des maladresses face à cette société qui ne ressemble plus à la France de ses combats, la France de ses rêves. Oui, De Gaulle est partagé. Alors, fort d'une majorité écrasante, il sait qu'il doit se distinguer par l'un de ces coups de majesté dont il a le secret. Mais ce n'est pas de lui que va venir la surprise. Non, c'est de Georges Pompidou, qui en voyage privé à Rome déclare le 17 janvier 69 « Si le général de Gaulle venait à se retirer, je me porterai candidat à sa succession. » Pompidou l'a dit quelque temps plus tôt, l'année 68 a été mauvaise. Les institutions ont été fragilisées. Le système repose plus que jamais sur la puissance de fascination que conserve le général. Oui, mais cela ne suffit plus. D'ailleurs, De Gaulle n'a-t-il pas dit quelques mois auparavant que son premier ministre devait se tenir prêt ? Puisque vous me parlez de M. Pompidou, eh bien je vous dirai ceci. C'est que, ayant fait tout ce qu'il a fait, pendant 6 ans et demi de fonction, il était bon que sans aller jusqu'à l'épuisement, il fût mis en réserve de la République. C'est ce qu'il souhaitait. Et c'est ce que j'ai décidé, tout en l'invitant à se préparer à tout mandat qui, un jour, pourrait lui être confié par la nation. En vérité, Pompidou sait que le temps joue contre lui, et qu'à rester sur le banc des remplaçants, il pourrait perdre assez vite son capital de notoriété et de popularité. Il doit donc prendre de court les autres candidats potentiels. Et puis, cette façon qu'il a de se placer aux avant-postes pourrait bien entraîner une rupture affective définitive avec le général. Cela dit, elle est presque consommée, cette rupture, depuis l'affaire Markovic. En septembre 68, on découvre le cadavre de l'un des gardes du corps d'Alain Delon. On apprend très vite que ce jeune Yougoslave faisait chanter des personnalités de tout Paris impliquées dans des parties fines, dont ferait partie le couple Pompidou. Embarrassé, de Gaulle tarde à défendre la réputation de son ancien Premier ministre. Mais tout ceci n'était qu'une sale rumeur, et Pompidou en nourrira un féroce ressentiment à l'égard du chef de l'État. La situation est même au conflit larvé. Ce qui fera dire au général de Gaulle, à l'issue du Conseil des ministres du 22 janvier 69, qu'il a le devoir et l'intention de remplir son mandat jusqu'à son terme. Ce musicien, c'était l'automne à la maison. Je me souviens de ce musicien, c'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passaient les violons quand tu étais dans la maison. Il attend plus depuis tant de saisons, le temps n'est plus au violon. Maison ville, dans ma chambre ville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans ma maison ville, dans la chambre ville, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et chantant le dommage, je n'attends personne. De ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre. Et le passé, comme une symphonie, fait son entrée dans cette chambre. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. À 3 ans de la fin de son mandat, de Gaulle est mis au défi. Il va donc jouer une carte qu'il affectionne, le référendum. Il va choisir un thème qu'il croit politiquement porteur, la régionalisation. Il envisage la création de conseils régionaux réunissant à la fois des délégués des collectivités locales et des représentants des activités économiques et sociales de la région. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Il entend proposer à l'approbation des Français une autre réforme, celle du Sénat, et de remplacer la Chambre haute et le Conseil économique et social par un Sénat d'un nouveau genre, comprenant d'une part les représentants des collectivités locales et des activités régionales, d'autre part des représentants des grands organismes d'ordre économique et social et dont le rôle serait, finalement, purement consultatif. Début février 69, de Gaulle accomplit un voyage en Bretagne afin d'officialiser sa campagne pour le référendum. L'avènement de la région comme cadre nouveau de l'initiative, du conseil et de l'action pour tout ce qui touche localement à la vie pratique du pays. Voilà donc la grande réforme que nous devons apporter à la France. Comme cette profonde réforme concerne l'organisation de nos pouvoirs publics dans tous les domaines, y compris celui de la Constitution, nous devons soumettre le projet au peuple. Lorsque De Gaulle dévoile ses projets à l'automne 68, les journalistes ne retiennent qu'une chose, la transformation du Sénat en chambre consultative. Le général, dit-on, règle ses comptes. Le vieux monarque veut se défaire de son vieil ennemi tout en renouvelant son assise populaire, pense-t-on. Mais l'opération référendaire est tellement mal conduite que certains n'hésitent pas à évoquer l'hypothèse d'un suicide politique. Il est possible que De Gaulle ait compris, à partir d'un certain moment, qu'il allait vers un probable échec. Certains témoins ont même soutenu qu'il avait alors songé à faire marche arrière, mais qu'il aurait jugé qu'il était trop tard. Plus vraisemblablement, comme le résume Maurice Couve de Muril, en désaccord avec l'idée d'ailleurs, le général savait qu'il ne pouvait demeurer au pouvoir sans un nouvel assentiment populaire. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, qui incarne la droite libérale, il juge lui aussi l'initiative prématurée. Autant dire que l'affaire s'engage mal. Mais De Gaulle persiste et signe en insistant sur son désir de rénover le Sénat. Pour que cette rénovation se réalise au plan de la nation, comme au plan de la région, nous devons transformer le Sénat afin qu'il associe dans la préparation des lois les mêmes sortes d'élus et les mêmes sortes de délégués avec leurs compétences et leurs responsabilités. Mais que poursuit De Gaulle à travers cette volonté de réforme ? Mettre fin au déséquilibre entre Paris et la province ? Certainement. Décentraliser réellement, en profondeur ? Sûrement pas. Toujours est-il que la double réforme sera proposée au printemps et qu'elle se présentera sous la forme d'une seule et unique question. C'est le référendum typique et c'est tout le problème du référendum. On pense qu'il est l'expression la plus aboutie de la démocratie. Or, on pose une question si technique et si peu mobilisatrice que l'électeur lambda ne la comprend pas et il n'est pas motivé. Et de toute façon, au référendum, on ne répond pas à la question posée. On transforme en plébiscite ou rejet celui ou celle qui le propose. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec celui du général. D'autant que ce dernier est mis du sien. Avec un certain courage, beaucoup de courage même, une probité qui caractérisera toute son œuvre, il annonce la couleur. Si c'est non, je m'en vais. Mais le chef de l'État est confiant, et puis, sur le fond, il a toujours jugé que le Sénat n'avait de légitimité que dans les régimes précédents, où il fallait équilibrer l'omnipotence de l'Assemblée nationale. Or, depuis 1958, l'épicentre du pouvoir s'est déplacé vers l'exécutif, vers l'Élysée, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Assemblée n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. Donc, à ses yeux, deux chambres, c'est vraiment trop. Durant toute cette période délicate sur le plan politique, De Gaulle continue d'imposer sa stature au plan international. Fin février, début mars, la venue pour plusieurs jours de Richard Nixon en France prend des allures d'événements historiques. Malgré les divergences entre les deux nations sur le retrait français de l'OTAN, sur le refus fracassant de la logique des blocs, sur l'ouverture de la France vers l'Est et vers la Chine ou sur les critiques contre l'engagement au Vietnam, De Gaulle reste bienveillant. Nixon est lui-même plein d'égards, comme en témoigne cet extrait de la conférence de presse du président américain le 5 mars 1969. J'ai la plus grande considération pour tous les dirigeants que j'ai rencontrés. Et j'ai tenté de parler avec le général de Gaulle avec le respect approprié qu'un individu comme moi devrait avoir pour un individu comme lui. Après cela, tous les leaders européens, qu'ils soient ou non d'accord avec lui, le considèrent comme un géant. Pas seulement par la taille, mais par son histoire et sa grande influence. Et il mérite, je crois, les mots que j'ai eus à son propos. Certes, l'activité diplomatique du général est très critiquée, notamment en raison de ses positions sur le Proche-Orient et de son indulgence jugée excessive envers l'Espagne de Franco. Mais il reste un personnage hors norme. Le 31 mars 1969, il se rend à la Maison-Blanche pour assister aux obsèques d'Eisenhower. Son jeune collaborateur, Pierre-Louis Blanc, en fera le récit. Le général, en uniforme, pénétra dans le premier grand salon où attendaient les invités avant d'être présenté au couple présidentiel. À son apparition, la foule réagit comme la limaille de fer aspirée par le champ de force d'un aimant. Ce fut une ruée vers le nouvel arrivé. Pendant une cinquantaine de minutes, les invités vinrent se présenter à lui. Par moments, même une queue se formait. Cette file d'attente, c'était celle des souverains, des chefs d'État et de gouvernement, des dignitaires les plus divers. De retour en France, De Gaulle se heurte à un contexte social difficile. Un mouvement d'arrêt national du travail très suivi dans les secteurs publics et nationalisés. C'est ce moment qu'il choisit pour ouvrir la campagne du référendum le 11 mars 69. Pour les opposants au référendum, les choses sont claires. Il s'agit d'un nouveau plébiscite. Georges Pompidou penche clairement pour le oui. Il sait que quel que soit le résultat, il s'en tirera avec les honneurs ou avec le pouvoir. Mais les centristes libéraux, sous la houlette de Giscard, prônent le non. C'est important, c'est ce qui fera pencher la balance. Quant au nouveau parti socialiste, il voit le jour, mais devra attendre le congrès d'Épinay pour prendre sa véritable ampleur. La perspective d'un départ du général de Gaulle est, de part et d'autre, un puissant stimulant. Le référendum est fixé au 27 avril. La campagne prend une tournure très directe. Veut-on garder De Gaulle jusqu'en 72? Tel est le seul sujet. Pour certains électeurs de droite, l'alternative pose question. Faut-il brusquer les choses et favoriser la désignation du dauphin Pompidou, dont l'image est bonne et rassurante? Ou pousser De Gaulle vers la sortie? Oui, mais à quel prix? Le pays ne risque-t-il pas de sombrer dans le chaos? Une idée fausse, bien sûr, mais qui tient bon à l'époque. Dans les gestes de sa vie quotidienne officielle, le chef de l'État maintient une attitude parfaite. Mais à tous ses proches, il dit la certitude du départ. Chez cet homme pétri d'orgueil comme de talent, tous sentent percer une authentique douleur. Le 25 avril, le général n'y croit plus. Enregistre une allocution télévisée qu'il juge inutile, mais nécessaire dans son dialogue avec les Français. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous solennellement sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. La veille, De Gaulle a dit à son ministre des Affaires étrangères, « Vous savez, Debré, les Français souhaitent que je m'en aille. » Ce même 25 avril, le chef de l'État décide de partir plus tôt que prévu pour Colombey. La déesse noire quitte l'Élysée à 13h45. Le lendemain samedi, le général reste chez lui avec son épouse. La question qui sera posée aux Français le 27 avril est la suivante. Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat? Très mobilisateur. Dans un premier temps, les sondages donnent une nette avance au oui, en raison de l'indécision de nombreux électeurs. Mais quelques jours avant le vote, la tendance s'inverse et l'issue ne fait plus guère de doute. Le 27 au matin, De Gaulle va voter seul et rentre chez lui. Le résultat, sans être massif, sera sans appel. 47,6% pour le oui et donc 52,4% pour le non. Un peu après minuit, l'AFP publie un communiqué laconique de l'Élysée. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Aucun de ses successeurs désavoués par le suffrage universel, mis en cohabitation notamment, n'aura l'élégance de se retirer façon De Gaulle. Une fois qu'il a quitté le pouvoir, le général engage la rédaction des Mémoires d'espoir, dont le premier tome paraîtra le 7 octobre 70. et il n'effectuera que 2 voyages à l'étranger, dont l'un en Irlande, où sa photo de promeneur presque solitaire, Ivonella, bien sûr, est entrée dans les annales. Dans les circonstances importantes de ma vie actuellement, c'est une sorte d'instinct qui m'a porté vers l'Irlande. Peut-être à cause du sang irlandais qui coule dans mes veines, on retourne toujours à ses sources. Et puis aussi parce qu'il s'agit de l'Irlande qui tient depuis toujours et aujourd'hui autant que jamais dans le cœur des Français une place exceptionnelle. L'autre voyage le conduira en Espagne où il est reçu par le général Franco. De Gaulle veut se confronter aux derniers géants du siècle qui se sont mesurés aux tragédies de l'histoire. Il souhaite même, quelques mois plus tard, aller en Chine et rencontrer Mao. Évidemment, le général n'a jamais été un dictateur. Il n'a même pas tenté d'instaurer un régime autoritaire, même lorsqu'il a pris le pouvoir en 58, en pleine crise de régime. Mais il croit, plus que jamais, qu'une authentique démocratie ne saurait exister durablement sans 2 principes qu'il juge fondamentaux, la nation et l'autorité. À la fin de sa vie, de Gaulle offre 2 visions très contrastées. À l'étranger, au funérailles d'Eisenhower, il paraît grandiose, il incarne l'histoire dans ses souffrances et dans sa gloire. En France, après la tourmente de mai 68, une fois l'ordre rétabli, il semble incarner le passé et un pouvoir vieillissant, presque mélodramatique. Pour lui, cependant, la mission est remplie. Quoi qu'il arrive, j'aurai rempli mon destin. J'aurais fait mon service. Mais si j'ai été assez heureux pour rendre à la France ce service-là, d'avoir fait avec elle, mis en route avec elle, et fait accepter par elle un régime nouveau, un régime d'action, un régime de réalisation, un régime de cohésion, alors j'aurais rempli ma vie. Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts, écrit le général dans ses mémoires d'espoir. Ce n'est pas le testament d'un homme qui renonce, plutôt celui d'un homme qui a légué la France à la France elle-même, selon la jolie formule de Nixon. Lorsqu'au lendemain du référendum, sous la plume du journaliste Jean Mauriac, le vieux chef disparaît aux yeux du monde, pour ne reparaître que 13 jours plus tard, en Irlande, auprès de son épouse, sur une terre austère, battue par les vents, et se retrouver face à lui-même, on se laisse prendre par sa pose, si altière. Et s'il sent la mort venir, il sait au fond de lui que tout recommence, toujours. Car il croit fermement à l'avenir, pour peu qu'il y ait toujours un État qui fût en charge à la fois de son héritage d'hier, de ses intérêts d'aujourd'hui et de ses espoirs de demain. La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie 100 sous, ouais. Le nom drôle de nom, écrit sur l'ouragan, 4 murs de l'horizon, claquant comme un slogan. Ce nom qui te parlait de chez toi, de chez nous, ouais. Ce nom qui chante clair, je te parie 100 sous, que tu le regretteras, tu le regretteras, tu le regretteras. La vie, la longue vie que ton fils apprendra, pour la leçon du mercredi et qu'il ne saura pas cette vie qui ne fut pas toujours à ton goût. Moi, quand elle ne sera plus, je te parie sans sous. Ouais, c'est vraiment très dommage. Toi qui es mon ami, on n'est plus du même rivage. À quand on parle de lui, cet homme légendaire au milieu des vivants. Ouais, le jour où on l'enterre, tiens, je te parie 100 francs que tu le regretteras. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le départ du général de Gaulle. Notre invité Arnaud Tessier, bonjour. Bonjour. Historien, vous avez écrit le livre de Gaulle 1969, L'autre révolution, et vous venez de sortir L'énigme Pompidou de Gaulle. Vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure et de l'ENA, autrement dit, deux plus grandes écoles de France. Bien. Qu'on peut considérer comme ça. Vous allez faire des mécontents. Non, non. J'ai dit qu'on peut considérer comme ça. C'est pas une vérité établie. Alors, j'ai été interpellé par votre titre, le titre de votre livre, on va commencer par là. De Gaulle 1969, L'autre révolution. Oui, parce que c'est très paradoxal, cette dernière année de De Gaulle. Elle est chargée de mélancolie, et c'est inévitable, parce qu'il y a effectivement des moments qui sont un peu tragiques. Il y a la rupture avec Pompidou, il y a aussi cette tonalité dans l'allure de De Gaulle, du De Gaulle vieillissant, et puis il y a le référendum, ce référendum qui, effectivement, n'a pas été compris. Mais le paradoxe, c'est que De Gaulle avait quand même, au fond de lui-même, une idée à laquelle il tenait, et c'est pour cela qu'il avait pris un Premier ministre qui lui était plus facilement acquis, en tout cas qui lui permettait de diriger directement les choses, c'est parce qu'il voulait mettre en œuvre une sorte de nouvelle révolution. Il avait le sentiment, 68 l'avait confirmé dans cette idée, mais il avait déjà ce sentiment avant, lorsqu'il avait parlé de la participation, de révolutionner un petit peu les rapports au sein de l'entreprise, le statut du travail. Il avait le sentiment que le capitalisme était allait entrer un jour dans une crise profonde. Il pensait que le communisme allait avoir une fin un jour. Il était assez visionnaire de ce point de vue-là. Il pensait que la Russie boirait le communisme comme... D'ailleurs, il disait jamais l'URSS, il disait la Russie. Il était convaincu depuis longtemps que c'était l'expression qu'il utilisait, la Russie boirait le communisme, que le buvard boit l'encre. Et donc, il pensait qu'à terme, le capitalisme entrerait en crise. Et pour lui, mai 68, qui était une crise de civilisation, était tout à fait la confirmation de cela. Et donc, il pensait qu'il fallait préparer les Français à cette mutation où il faudrait que le capitalisme se réforme et corrige ce qu'il appellera son infirmité morale. Il utilise cette expression dans les mémoires d'espoir. Et c'est ça le sens du référendum de 69, parce qu'en fait, pour lui, en créant la région, qui n'est effectivement pas un acte de décentralisation, mais l'idée de mettre une sorte d'espace territorial vaste qui permette à la société et à l'État de discuter ensemble. Avec un pouvoir peut-être moins vertical, une horizontalité, moins localement. Il sentait qu'il fallait que la société et l'État se parlent, que l'État était devenu trop hiératique, très puissant, mais qu'il fallait que la société lui se parle, et il pensait que c'était au niveau de la région. Mais simplement, le problème, c'est qu'il tenait un discours qui n'était pas compréhensible pour les gens de l'époque. Si vous lisez le projet de loi référendaire, qui était soumis au référendum, il y a un préambule, une sorte d'exposé des motifs, qui est de la main de De Gaulle, et qui est un texte de philo, où il dit, c'est de l'homme qu'il s'agit, et donc nous allons vers une période, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cela, les Français ne l'ont pas compris, comment auraient-ils pu le comprendre ? Exactement, c'est aussi problème du référendum. Et même les proches de De Gaulle, il y a eu à l'Institut Charles de Gaulle, 2 ans après la mort de De Gaulle, un petit séminaire où il y avait tout le monde. Il y avait Maurice Couve de Murville, il y avait tous les gens qui avaient travaillé avec De Gaulle 3 ans plus tôt. Et on leur dit, est-ce que c'était un référendum suicide ? Non, ce n'était pas un référendum suicide. Mais on ne savait pas exactement ce que De Gaulle voulait faire. Alors ce que vous êtes en train de me dire, c'est très intéressant de voir que lui était dans un processus de changement, peut-être pas de révolution, mais de changement quand même. Et que finalement, 68, vient lui le coiffer sur le poteau, et de la pire façon qui soit, finalement, par la révolte, par la chirolie, par le désordre, ce qui n'est pas du tout gaullien. Oui, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il allait y avoir une crise de civilisation, mais il ne pensait pas qu'elle arriverait si tôt et de cette manière. Il ne s'attendait pas à une révolte étudiante. Il s'attendait à des problèmes sociaux, comme il en avait eu déjà avec la grève des mineurs. Il s'attendait à des problèmes de société, mais il ne s'attendait pas à une grève d'étudiants, à un mouvement étudiant, et il ne savait pas faire avec ce type de phénomène. Il avait lutté contre les Allemands, il avait lutté contre l'OAS, il avait vu sa vie exposée à plusieurs reprises, mais des étudiants, ça ne se réprime pas de la même façon. Donc ça l'a un peu pris de court, alors qu'il avait perçu quand même ce qui était à l'œuvre. Donc il a été pris de court et il a essayé de rattraper le temps perdu. Et c'est ce qui est tragique dans cette dernière année de pouvoir, c'est que De Gaulle sait qu'il a peu de temps devant lui. Il sait qu'il est âgé, il est menacé de maladie, et donc il veut regagner le temps perdu. Et ce référendum, c'est une sorte d'ultime sursaut, où il essaie de passer la rampe, en quelque sorte, même si personne ne comprendra très bien ce qu'il veut faire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a quand même failli gagner ce référendum, parce que c'est vrai qu'il était battu, qu'il a fait 57,4, je crois. Le nom l'a emporté à 52,4. Voilà, 52,4. Ça fait 47,6. Oui, et en fait, quand on regarde, comme De Gaulle le dira lui-même, quand on regarde les inscrits, les gens ont voté en masse, ouais. 38% des inscrits ont voté en faveur de De Gaulle. Il disait... Je ne sais pas si quelqu'un égalera ce score par suite. Donc c'est un non franc, mais pas massif. Oh. Voilà, et il a dit à cette époque, il a dit un peu plus tard à un de ses proches, finalement il n'y a jamais eu autant de gaullistes en France que ce jour-là. Ce qui est frappant avec De Gaulle aussi, c'est son attachement à la démocratie. Oui. Qui est passé par 58, où il pouvait mettre en place, ne serait-ce que provisoirement, un régime autoritaire, ce qu'il n'a pas fait. Et puis aussi, on voit que son premier ministre, enfin jusqu'à la question référendaire et 68, gouvernait, le président préside, le premier ministre gouverne. Ça, c'était respecté du temps de Gaulle. Ah oui. Jusqu'à Mitterrand, d'ailleurs. C'est à partir de Nicolas Sarkozy qu'on a connu l'hyper-présent, enfin, vous connaissez le mot. Présidentialisation. Voilà. Ouais. Où le président s'occupe de tout et se mêle de tout. Tout à fait. Parce que souvent, on essaie de justifier la pratique qui s'est mise en place depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire cette hyper-présidence, en disant, mais ce n'est que renoué avec De Gaulle. Non. Surtout pas. De Gaulle définissait les grandes orientations. Il intervenait, bien sûr, dans un certain nombre de sujets majeurs. Mais il laissait son premier ministre gouverner. Les premiers ministres avaient une véritable épaisseur. Et d'ailleurs, Debré, Pompidou, même Couve de Murville, qui était plus effacé, était quand même quelqu'un que De Gaulle respectait profondément. Et puis, le côté démocrate de De Gaulle, c'est quand même ce référendum que personne ne l'obligeait à faire. Et une fois qu'il l'a perdu, personne ne l'obligeait à démissionner. Et pourtant, il avait posé la règle du jeu d'emblée. C'était pas seulement un plébiscite, c'était pas seulement pour qu'on lui dise « restez ». Ça pouvait être pour qu'on lui dise « on y en a marre ». Parce que de toute façon, les sondages à l'époque, il y avait déjà des sondages, montraient que De Gaulle avait un taux de popularité qu'aucun de ses successeurs n'aura en fin de mandat. Mais c'était parce qu'il voulait recharger sa légitimité pour faire la révolution qu'il avait en tête. Qu'il avait en tête et que personne ne comprenait alors. Bien, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Benjamin Biolay, « Ma route ». J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte, dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne et plus rien ne m'étonne, elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome. Ma route, ma route. Passer les frontières, style derviche, tourneur, contrebandier naguère, demande à ta sœur. J'ai passé les checkpoints, tel un épouvantail, en frappant à ta porte, je montais sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif, enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent c'est l'hiver, et plus rien ne m'étonne, ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule de la nuit. France, j'ai parcouru le monde, j'ai connu bien des transes, j'ai fleuri quelques tombes. Je voulais qu'on m'arrête et non pas qu'on me sonde. Je voulais te paraître le meilleur du monde. Je regardais la mer comme un vieillard mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments, le nez planté au ciel et même au firmament. Mais la route m'appelle, je suis son vieil amant. Je roule dans la nuit noire, je tourne jusqu'à trop tard. Je roule jusqu'à l'aube, jusqu'au bout de la nuit fauve, de la nuit fauve. Alors une question qui n'a pas fini de les historiens, parce qu'elle est intéressante, c'est évidemment mai 68 et De Gaulle. Dans quelle mesure peut-on affirmer, comme je l'ai fait, dans le récit, que son départ en 69 est quand même plus ou moins lié à ce qui s'est passé en 68? Je disais, je crois, il avait perdu la main, il n'a pas perdu les Français, mais il a perdu la main. Il y a un lien qu'on peut faire et qu'on doit faire entre les deux événements. C'est-à-dire que tout de même, comme d'ailleurs François Mitterrand, de manière un peu perverse, le laissait entendre dans sa déclaration de l'époque, on a eu le sentiment que l'État avait été au bord du gouffre. Mmh. Et ça, cette faiblesse surprenante de la part d'un régime qui paraissait très installé, incarné par De Gaulle, avec un Premier ministre qui avait beaucoup d'autorité. De Gaulle faisait son voyage à l'étranger d'un moment où son prestige était considérable. On a eu l'impression, pour les gens qui vivaient à l'époque, que le régime était au bord du gouffre et que finalement l'État avait vacillé. Donc c'était terrible pour De Gaulle. Mais je crois qu'il s'en est rendu compte lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que l'État qu'il avait refondé en 58 était fragile et restait fragile. D'où l'idée de faire de nouvelles réformes qui lui permettraient un meilleur dialogue avec la société. Donc je pense que c'est ça qui a été très important. Et De Gaulle l'a admis d'une certaine manière. Parce que vous savez, le voyage à Baden-Baden, il a été interprété de différentes façons. Mais De Gaulle a dit très vite ce qui s'était passé. Il l'a dit à plusieurs personnes et puis il l'a dit plus tard dans une interview de Michel Droit à la télé. Il a dit, vous savez, Je me suis ressaisi et j'ai ressaisi la France. Donc il a dit la vérité. Il a dit qu'il avait eu besoin de se ressaisir, de ressaisir l'État et de ressaisir la France qui s'était un peu elle-même perdue. Donc je crois que c'est ça qui est intéressant chez De Gaulle à travers cette dernière année 68, c'est que c'est un homme fort, c'est un homme qui incarne une puissance, une sorte de légende historique, mais c'est un homme qui jusqu'au bout sera convaincu de la fragilité des choses et de la fragilité des démocraties, parce qu'il a connu juin 40, il a connu la guerre, il a connu la libération, il a connu les drames de la 4ème République, les guerres de décolonisation, il a connu la crise de Cuba, il sait que c'est fragile une démocratie. Certes, mais sur l'approche sociologique de mai 68, est-ce qu'on peut dire qu'il a été dépassé par les idées d'une catégorie de la population qui s'appelle les jeunes? Oui, ça a été beaucoup dit que De Gaulle n'avait jamais parlé aux jeunes, mais parce que c'était un homme qui avait du mal à considérer, pour lui, les Français c'était les Français, la France c'était la France, il avait du mal à considérer qu'il devait faire un discours par catégorie. Il disait toujours la même chose à tout le monde, d'ailleurs c'est ce qui faisait son charme à l'époque, mais on a beaucoup dit ça. Mais en même temps, il s'intéressait beaucoup à la formation des jeunes, il est allé voir toutes les grandes écoles, il s'intéressait quand même aux jeunes élites du pays, mais c'est vrai, on a eu le sentiment qu'il était âgé et qu'il avait un peu décroché par rapport à la société. Et c'est très étrange, cette sorte de vieillesse de Gaulle qu'on sent même dans l'intonation de sa voix. Ah, j'allais en parler. Ouais. Il a une voix de vieillard, mais il n'a pas un discours de vieillard. Pas du tout. Si on a passé justement pendant le récit beaucoup, presque exclusivement, la voix du général de Gaulle, sans passer d'autres témoins, c'est qu'on voulait mettre en perspective un récit et une voix. Alors pas seulement un timbre de voix, qui était très clair d'ailleurs, mais une façon de parler qui est très moderne. Il invente la communication politique, voilà, quelque part. Et la voix tremble un peu, quelquefois on voit que c'est un homme âgé. Ce qui pose aucun problème d'ailleurs. Mais il y a une force du propos. Et la voix d'ailleurs redevient plus claire. J'ai été très frappé. Il y a deux enregistrements que vous avez passés. À la toute fin. Celui en Irlande. Où il y a la voix claire. À la toute fin. Et puis le passage où il dit « J'aurais rempli ma vie ». C'est extraordinaire, c'est une voix extrêmement déterminée. Et je crois que c'est ça, là aussi, De Gaulle est un homme qui se sent âgé, qui est obsédé par la vieillesse, il redoute la déchéance physique, il redoute de ne plus avoir toute la capacité de gouverner, et il y a une sorte de parallèle entre la fragilité des démocraties et la fragilité de l'être humain, ce sont les deux corps du roi. Et ce qui ressort de cette dernière année, c'était cette obsession de Gaulle de laisser quelque chose qui dure. Et pourquoi cette... C'est d'ailleurs le même ordre d'idée, cette photo en Irlande a tellement frappé, je parie match, on a fait plein de photos, d'ailleurs il y avait une certaine élégance avec sa canne, son grand manteau, il y avait un chapeau je crois, oui, et toujours ce port altier là, quelles que soient les circonstances. C'est au bord de la mer, avec le vent, un peu par la tourmente, c'est une image shakespearienne, c'est le roi Lear, enfin, donc je crois que c'était tellement, ça incarnait tellement ce que les gens percevaient de De Gaulle à ce moment-là, le grand homme renvoyé chez lui, mais qui est plein de dignité, rempli de ce sentiment de l'ingratitude des peuples, c'est une image extraordinaire, mais en même temps qui ne rend pas compte totalement de ce que De Gaulle a voulu faire et qu'on sent, parce que quand il va en Irlande, il rencontre le président irlandais, même quand il va voir Franco, il discute avec Franco, il parle des sujets internationaux, c'est quelqu'un qui continue d'être dans la projection dans le futur. C'est un homme qui pense au futur, et les mémoires d'espoir sont étonnantes de ce point de vue-là, parce que c'est un testament politique, mais c'est aussi une invitation à se projeter dans l'avenir. Et la langue aussi, la langue qu'il parle. De Gaulle écrit bien, oui. De Gaulle parle bien, et c'est pas une langue vieillotte, c'est une langue à la fois moderne. Il aime la langue, aime cette expression orale et écrite. Il considérait que bien écrire, c'était encore une façon de servir la France. Il considérait que la beauté de la langue française, c'est pour ça que la culture était si importante pour lui, que la beauté de la langue française et que la culture, c'était une part décisive de la démocratie. Arnaud Tessier, il nous reste exactement une minute. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous donner votre intention éditoriale du livre que vous venez de sortir, qui s'appelle « L'énigme Pompidou de Gaulle » ? J'ai voulu essayer de comprendre comment ces deux hommes se sont si bien entendus au point de former un couple exécutif fantastique qui a été celui de la modernisation de la France et comment ils ont pu rompre à un moment donné. Alors on est resté sur l'idée de la rupture. On oppose souvent Pompidou à De Gaulle. Souvent les pompidoliens essaient de dévaloriser De Gaulle pour revaloriser Pompidou. Tout ça me paraît un peu vain. Moi ce qui m'intéressait c'est d'essayer de comprendre comment ces deux hommes avaient pu fonctionner ensemble alors qu'ils étaient si différents par le caractère, par leur façon de voir l'histoire. Et de la traverser, voilà. L'un était dans la résistance, pas l'autre. Voilà, et puis la fin de Pompidou, c'est une façon aussi de faire un parallèle entre la fin de Pompidou, cette présidence interrompue et par la maladie, où Pompidou tout d'un coup redécouvre un lien étroit qu'il avait avec De Gaulle. Il y a quelque chose de tragique que je trouvais assez beau, que je voulais retracer. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Arnaud Tessier. Donc c'est l'énigme De Gaulle Pompidou, votre dernier livre. Merci. Je renvoie les auditeurs à sa lecture. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, le départ du général De Gaulle, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Bézikian.